Le Divergent. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Présentement, il y a l'apparition à la surface de la Terre d'êtres nouveaux qui sont programmés pour diverger de ceux de l'involution en vue de favoriser l'évolution de l'humanité. Il s'avère le fruit d'altérations psychiques et génétiques voulues et commandées par des êtres qui font la gestion de l'évolution de l'humanité, au-delà du plan astral, en vue que ce dernier ne soit plus en puissance pour asservir l'humanité, comme il a été déterminé sur le plan éthérique par des esprits s'occupant de l'administration évolutive de la destinée du projet humain, que l'humanité doit entrer dans un cycle nouveau. Les divergents sont apparus à la surface du globe pour participer à son émergence. Ces individus sont les porteurs d'une conscience nouvelle. Il y a l'introduction d'êtres différents de l'évolution pour générer sur Terre de nouveaux modèles de vie en vue de favoriser l'évolution et le renouvellement psychique de l'humanité au cours des prochains siècles. L'humanité de l'involution a tendance à s'enliser en fonctionnant avec des mémoires anciennes accumulatives qui alourdissent et rigidifient les psychés. Comme l'accumulation de mémoire mène à la stagnation psychique et détourne l'individu de son renouvellement créatif, il a été déterminé qu'il y aurait des êtres qui seraient programmés avant leur incarnation pour ne plus vivre de mémoire mais d'esprit. Ils sont ici pour empêcher la stagnation psychique et l'enlisement involutif de l'humanité. Les divergents sont les artisans du renouveau psychique de l'humanité. Leur fonctionnement différent de ceux de l'involution permettra un rehaussement vibratoire de l'humanité au fil du temps. Qu'ils veulent consciemment ou non changer les choses, le simple fait qu'ils existent avec un fonctionnement différent les modifie automatiquement. Les divergents, pour être en équilibre, doivent vivre avec un fonctionnement individualisé, intégré, qui leur est propre, et qui respectent leur être. Leur grande sensibilité va faire en sorte qu'ils ne seront pas à l'aise de dévier de ce dernier car ils vont automatiquement en souffrir. Ainsi, ils sont programmés pour avoir un fonctionnement individualisé et toute tentative de les adapter à la société évolutive sera source de malaise pour eux. Il sera d'ailleurs impossible de les faire totalement rentrer dans les moules évolutifs car la vibration divergente qui les anime va générer une opposition interne naturelle en eux à tout système évolutif. Toute imposition sur eux d'une vibration voulant freiner leur fonctionnement en allant à l'encontre de leur essence divergente sera source de colère, de contestation et de rébellion de leur part. Les divergents sont conçus de manière à générer naturellement une vibration qui va altérer l'éther de la Terre et introduire de nouvelles énergies qui vont la transmuter naturellement. Ils n'ont pas besoin de passer dans les médias de masse pour générer du renouvellement psychique. La simple vibration qu'ils dégagent est suffisante. Donc, ils ont juste à être ce qu'ils sont pour générer le changement. Le simple fait que la Terre est exposée à leur vibration génère automatiquement du changement parce que tout est interrelié. Parmi les divergents, il y a des individus qui sont le produit de manipulations génétiques et psychiques d'êtres extradimensionnels et extraterrestres. Ils s'avèrent la résultante de la volonté d'amener au sein de l'humanité des êtres avec des programmations nouvelles qui vont la reprogrammer en profondeur et la faire muter en vue de l'intégration d'une vibration rehaussée qui est en synergie avec l'entrée de la Terre dans l'âge de l'humanité évolutive. Dans certains cas, les divergents vont présenter des systèmes neurologiques particuliers étant la manifestation concrète sur le plan matériel d'altérations effectuées dans la génétique humaine et atomique découlant de programmations générées sur le plan éthérique par les administrateurs réels du projet humain de la Terre. Au début, ce phénomène sera source d'incompréhension par les êtres de l'involution n'ayant pas le même fonctionnement psychique qu'eux et n'étant pas configurés pour les comprendre. Néanmoins, comme le fonctionnement psychique des divergents ne pourra pas être altéré par les humains de l'évolution, ces derniers n'auront d'autre choix que de s'adapter à eux. Avec le temps, la société sera transformée pour s'adapter à eux et pour répondre à leurs besoins spécifiques. Comme la société ne pourra pas les englober et les changer, eh bien, elle n'aura d'autre choix que de changer. La simple présence à la surface du globe des divergents, de par la vibration qu'ils dégagent, va favoriser l'accélération de la mutation psychique de l'humanité. Plus ils seront nombreux sur Terre et plus l'énergie de l'évolution va être transmutée par eux en vue que l'éther de la Terre soit porteuse du renouveau psychique. Ils seront les dépollueurs des éthers de la Terre sur le plan psychique. Cela se traduira éventuellement par la dépollution de la planète sur le plan physique. Le temps des divergents sera celui de la déconstruction de la société de l'évolution pour l'amener à diverger de ce qu'elle est présentement. Dans la divergence, il y a le principe de la manifestation créative pour générer des choses nouvelles qui se démarquent du conservatisme associé aux formes anciennes. Les divergents sont les initiés des temps nouveaux qui mettront fin au déséquilibre occasionné par la période de l'inconscience. Ils seront l'antidote à tous les maux de l'évolution. Leur règne sera marqué par la dissolution du plan astral et de la fin des interférences des êtres qui se trouvaient sur ce plan pour retarder l'évolution de la Terre. Ils généreront une mutation totale de l'aura de la Terre pour qu'elle en vienne à baigner dans un éther de vie et de beauté. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte que j'ai écrit, qui s'intitule « Les divergents ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Merci de votre écoute et à bientôt.